シュクシュク。 Mon prochain gueux, j'finis d'une overdose. Le prochain hop va finir dans le trace. Le prix du kilo à la hausse. Mon prochain gueux, j'finis d'une overdose. Mon prochain gueux, j'finis d'une overdose. On n'a pas les mêmes souffrances, pas la même dose. Mon prochain gueux, j'finis d'une overdose. Coupe, puis en balado. Où sont mes drogues, dealers, mes négros. Qui vont faire quelques meufs sous le manteau. Amoureux du ghetto. Amoureux de chez Zéo. J'suis sur R de Rotello comme Kélis, les euros font péter mes neurones. J'm'en fume dans le bâtiment. Point fou MC ou pas content. Contact nous y'a de la bonne substance. On livre à domicile pour les plus fainéants. Et d'un coup j'deviens flex, plus rien ne m'intéresse. À part ce beat, rien à foutre tout le reste. Dans la cuisine, dépine comme Heisenberg. On vit en jean pour sortir de la haine. Mon prochain gueux j'finis d'une overdose. Le prochain hop va finir dans le coup de trace. Le prix du kilo à la hausse. Mon prochain gueux j'finis d'une overdose. Que je finis d'une overdose. On n'a pas les mêmes souffrances, pas la même dose. Quelle sera la meilleure candidate? Tu fais l'excité parce que t'as pris de la crème. Je change souvent de mes vegan. Chaque semaine je vais voir ailleurs. On va commencer à écouter ta vie. Va les payer, maintenant s'en prend à ta famille. Tous les jours on vit en deal. Tous les jours on est dans le crime. Des litres de larmes. La 8, c'est plus grave en gramme. Si tu traînes avec one, c'est sûr tu vas tromper sa femme. T'as pas les couilles, n'en viens pas déranger. Fais du blé pendant que tu te grattes le nez. En 5 minutes je fais partir un sanger. Je suis choqué, fleur les plantes faut pas accepter. Mon prochain gueux j'finis d'une overdose. Le prochain hop va finir dans le coup de trace. Le prix du kilo à la hausse. Mon prochain gueux j'finis d'une overdose. Mon prochain gueux j'finis d'une overdose. On n'a pas les mêmes souffrances, pas la même dose. Ton gang de tatis sans tarpé. Le temps se transforme en lové. Recompte encore le compte IE. Les cartes libérées à produits mélangés. Je vais les pull up, double bang. Et c'est le week-end de toute la semaine. Tous les haters jouent dans ma tête. Le prix du kilo à la hausse. On crève jeune, elle tape seule. Une boucherie dans ton bloc, on fait du sale. Si tu payes pas content, c'est pas la peine. Je reviens des enfers en KTM. Mon prochain gueux, j'vais finir d'une overdose. Mon prochain gueux, j'finis d'une overdose. Le prochain hop, j'vais finir d'un coup de trace.